Marianne a raison, il est tard. Je dois aussi me coucher, Charles. Ramène-moi dans ma chambre. Marianne m'a oublié. À demain, mon ami. Il n'y a pas de danger que je t'oublie, moi, ma Juliette. À demain, te voici chez toi. Charles la quitta, ni lui ni Juliette n'oublièrent avant de se coucher, de rendre grâce à Dieu de l'avenir si plein de calme et de bonheur qu'il leur avait enfin assuré.